Cette petite râpe à choux est la première dont nous nous soyons servis pour découper du chou en plus grande quantité. Nous l'avons utilisée lors du premier atelier de Fermentla, plus tard pour l'anniversaire du Shadok, lors de la découpe des 80 kg de choux. Elle vient de Pologne. Il y a donc beaucoup de souvenirs qui sont attachés à cette petite râpe à choux.